Le cierge. Fable numéro 12 du livre 9e des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le cierge. C'est du séjour des dieux que les abeilles viennent. Les premières, dit-on, s'en allèrent loger au mont Hymette et se gorger des trésors qu'en ces lieux les zéphyrs entretiennent. Quand on eut des palais de ces filles du ciel enlevé l'ambroisie en leur chambre enclose, ou, pour dire en français la chose, après que les ruches sans miel n'eurent plus que la cire, on fit maintes bougies, maint cierge aussi fut façonné. Un d'eux, voyant la terre en briques au feu durci vaincre l'effort des ans, il eut la même envie, et, nouvel Empédoc aux flammes condamné par sa propre et pure folie, il se lança dedans. Ce fut mal raisonné. Ce cierge ne savait grain de philosophie. Tout en tout est divers. Outez-vous de l'esprit qu'aucun être ait été composé sur le vôtre. L'empédocle de cire au brasier se fondit. Il n'était pas plus fou que l'autre. Fin de Le cierge, fable numéro 12 du livre 9e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.